Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Une autre année bien remplie se terminera bientôt. Profitons de ce temps des fêtes pour prendre un peu de recul et refaire nos forces. Je vous invite à réserver cette période pour fraterniser et célébrer avec vos proches dans l'harmonie et la chaleur de vos foyers. Pour 2017, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! La direction et le personnel de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 61 ans, nous prenons plaisir de vous servir et c'est avec reconnaissance que nous vous remercions, clients, amis, pour votre support indéfectible. De la part de l'épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année 2017. C'est maintenant le temps de parler du hockey mineur de Robertval avec notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo! Salut! Hugo, on va parler d'abord, c'est la pause de la période des fêtes. Le hockey Simplelette et également les Sabres de Robertval au niveau atome, puis même Mastouillage, parce que tu es entraîneur de l'équipe. On va commencer avec la Simplelette. La pause des fêtes, comment ça va? Ça va super bien. Okay. Je pense que cette année, là, au niveau là, des équipes, moi, à Robertval, là, au niveau de la constitution des équipes, puis de jusqu'à date, là, de la gestion des équipes, on n'a pas eu de cas majeurs, là, que ce soit autant au niveau des jeunes ou des parents. Là, je pense que par rapport à ça, c'est une très belle saison. On a peut-être là, une équipe dans le Bantam B qui on a une petite problématique de joueurs. On a fait une équipe à 10 joueurs, les gardiens de but ont pris, puis quand il lui manque un joueur ou deux, des fois, là, ça prend des joueurs affiliés, c'est pas évident pour ça. Mais sinon, jusqu'à date, là, la majorité des équipes ont quoi? Là, ils ont à peu près le 2/3 du calendrier déjà de jouer. Fait que on est super satisfait, puis on n'a pas eu de problème quelconque, pas beaucoup de suspensions. Je pense que là, ça roule sur des roulettes. Là. Fait qu'on est là, on est en congé jusqu'au la première fin de semaine de janvier, là, c'est-à-dire le 7-8-9 janvier. 6-7-8 janvier, que la deuxième partie va recommencer. Là, puis il y a plus de tournois là, parce que les équipes, là, à part Adolbeau, nous autres, dans notre cas, il n'y a pas beaucoup d'équipes là, de Robertval puis, ou d'associés avec Mastoyage qui ont fait des tournois. Ça fait que la bourrée des tournois là, va commencer également là, avec la fin de semaine du 7-8-9. Fait que on s'en va là, dans une autre partie différente, mais plaisante là, avec les tournois, les fins de saison puis les séries. Fait qu'on espère que ça va continuer dans cette même lignée-là. OK. Les Sabres au niveau atome? Sabres au niveau atome ont terminé là, à Noël en première position là, avec ils ont 15 victoires puis 2 parties nulles dans leur saison régulière là, en 17 parties. Donc, ça va super bien avec les Sabres. Eux également, là, la même affaire. Donc, ils sont en arrêt. Mais ils vont quand même là, pratiquer un petit peu au niveau là, du temps des fêtes parce qu'eux autres, au retour du jour de l'an, là, le 3 janvier, ils ont 2 parties au tournoi provincial de Chicoutimi. Donc, étant donné qu'ils ont 2 parties là, le 3 janvier, donc ils vont pratiquer là, les 28-29 janvier là, pour être prêts aux deux. Là. Fait qu'ils commencent tout de suite l'année 2017 avec un gros tournoi là, à Chicoutimi. Mais sinon... on est quand même satisfait là, du climat aussi dans l'équipe parce qu'on sait que des fois, là, dans des équipes compétition, malgré le fait que c'est juste de l'atome, ben il y a certains parents des fois qui se prennent quasiment là, pour être le calibre dans toute la Ligue nationale. Là. Donc, on a quand même eu cette année là, jusqu'à date, c'est qu'on est quand même satisfait là, du fonctionnement, du déroulement là, puis du comportement général de tout le monde dans l'équipe. Donc, on se souhaite là, qu'avec le début des tournois, là, que tout le monde ait la même attitude là, pour finir cette belle année-là. OK. Si on parlait maintenant du côté des Hurricanes? Côté des Hurricanes, c'est la même affaire. Nous autres, on est en plus grande pause parce qu'on recommence juste à jouer le 15 de janvier. Donc, on a arrêté les jeunes là, du 20 décembre aller jusqu'au 10, mardi 10 de janvier. Fait qu'on est en arrêt là, pour pas loin de 21 jours de vacances de repos. Là, parce que c'est ça, la même affaire un petit peu au niveau de nous autres. On a pas fait aucun tournoi, donc on a 3 tournois à faire là, à partir du mois de janvier. Fin janvier, là, donc 3 tournois, puis on a encore 6, on n'a plus beaucoup. On est probablement l'équipe dans la ligue qui a joué le plus de parties. Donc on a 22 parties de jouer quand même sur 28. Là, mais on va compléter notre calendrier, 3 tournois. Puis avec les séries, donc on va avoir là, encore du pain sur la planche là, pour cette belle fin de saison-là qu'on espère. Okay. Et en terminant, ben, je voulais aussi parler de peut-être comment ça va ton tournoi? Là? La préparation, ça en vient bien? Les inscriptions doivent commencer à rentrer? Nos inscriptions sont finalisées. Okay. On est en augmentation par rapport à l'an passé. On a 52 équipes. On a 54 équipes cette année dans la ronde de Lysatome. L'an passé, on avait 38 équipes. Donc, on avait même l'an passé du pré-novice au niveau de la démonstration. Puis cette année, regarde, on n'est même pas capable de placer aucune partie de pré-novice en démonstration parce qu'on est, on est plein de mur à mur, là. Donc, on est très satisfait. Ça va bien. Nos bannières sont commandées. Nos cadeaux sont commandés. L'horaire de la catégorie novice est faite, a été approuvée par Arc Saint-Jean et est mise sur le site. Donc, il reste là à finaliser la tome. On a fait ça hier soir. Puis on est en train d'essayer de régler là, quelques petits détails. Mais sinon, regarde, on va rentrer en janvier là, avec définir là, les bénévoles. Mais sinon, là, je te dirais que 80% du tournoi là, de régler puis de bâcler. Donc, ça va super bien à ce niveau-là également. OK. Ben Hugo, gros merci. On se reparle après la période des fêtes. Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Puis beaucoup de santé pour 2017. Je te souhaite la même chose, mon ami. Hugo Maltais, le président du hockey mineur de Robertval.